très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Voici tout de suite Histoire vivante. Jean Leclerc vous propose en nouvelle diffusion Histoire vivante. Finalement, ça servait à quoi d'avoir les libertés? C'est juste pour avoir plus de saucissons? Batka, le petit père. C'est comme cela que les Biélorusses surnomment Alexandre Loukachenko. Pour eux, des notions comme la liberté ou les droits de l'homme ne veulent rien dire. Ce qui leur importe, c'est l'ordre, le contrôle. Cette semaine, la Biélorussie. C'est vrai, c'est merveilleux, on dirait la Suisse. Théâtre et dépendance. Le Biélorussin, du point de vue de Moscou, est un paysan. Un pouvoir indéboulonnable. Élu président, il a fait adopter par référendum une nouvelle constitution, histoire de prolonger son mandat et d'élargir ses pouvoirs. Des milliers de personnes ont dénoncé ce dimanche la taxe dite sur les parasites. Toute la fin du 19e siècle a été terriblement violente sur ce territoire. Dans chaque commissariat, il y a un bourreau, un sadique local qui traite violemment les gens qu'on arrête. Comme on dit souvent ici, j'aimerais vivre dans la Biélorussie qu'il montre à la télé et pas dans celle du monde réel. Quelle bonne surprise et comme on se retrouve. Figurez-vous qu'hier, on croyait avoir quitté Justine Salvestroni et puis non. Il s'est avéré, pour vous mettre au courant et au parfum, qu'au moment où on a coupé le micro, il y avait cette sensation, surtout de la part de l'invité, que de ne pas en avoir dit suffisamment, d'avoir pas suffisamment nourri l'endroit. Et du coup, on a décidé de se rasseoir, de rouvrir les micros, et de poursuivre l'entretien. Donc, rebonjour, Justine Salvestroni. Rebonjour. Vous vouliez nous parler, nous présenter notamment un ouvrage que vous avez juste à côté de vous pour peut-être donner plus d'éléments encore sur la Biélorussie. Sur la Biélorussie et sur la compréhension de la culture de cette région et de son passé politique qu'on a peut-être du mal à appréhender quand on a grandi en France ou en Suisse. C'est-à-dire, comment vivent aujourd'hui des personnes qui ont grandi dans un système communiste et qui n'ont pas forcément réussi à s'adapter à la société telle qu'elle est aujourd'hui en Russie ou en Biélorussie. Et donc, oui, je voulais parler d'un livre de Svetlana Alexievitch, qui est biélorusse et qui a eu le prix Nobel de littérature en 2015, qui s'appelle « La fin de l'homme rouge » et qui est une succession de témoignages très longs. C'est extrêmement fluide et on comprend tout sur justement cette frustration que peuvent avoir les gens qui se sont retrouvés finalement projetés dans une nouvelle société en 1991 et qui ont soit rejeté tout leur héritage communiste et qui ont essayé de passer à quelque chose de très différent, à une économie de marché mais dans une extrême violence, et à ceux qui se sont accrochés à leurs idéaux et qui n'ont jamais voulu reconnaître par exemple les violences, les dénonciations, toute l'horreur qui se sont produites pendant des décennies sous leurs yeux et qui se sont toujours un petit peu isolés de ça, ils l'ont toujours justifié. Et puis à ceux aussi qui ont l'impression qu'on leur a volé leur patrie et qui étaient tellement embrigadés dans l'idéologie communiste parce que voilà, ils ont fait les jeunesses communistes, ils ont participé à tous les clubs possibles, ils ont défilé avec les drapeaux et qui se retrouvent sans rien. Et qui plus est moqués. Oui, moqués. Ils se retrouvent finalement dans une société où ils avaient raison, où ils n'ont jamais vraiment remis en cause ce qu'ils pensaient. La grande patrie, c'était super. Staline, Lénine, c'est génial. Et ils se retrouvent d'un coup avec l'impression qu'on leur a pris tout ça très très vite, qu'on leur a menti. Et il y a un mot qui revient tout le temps dans le livre, c'est le saucisson. Et ils se disent finalement, ça servait à quoi d'avoir la liberté? C'est juste pour avoir plus de saucissons? Génial! À quoi ça sert? Je trouve que le saucisson résume bien le livre, c'est que finalement, mieux valait une grande patrie puissante, l'impression d'avoir un empire et d'appartenir à quelque chose de grand, plutôt que d'avoir du confort matériel. Donc je recommande vraiment la lecture de La fin de l'homme rouge, qui est un livre passionnant. Témoignage qu'elle a pris elle-même, qu'elle a relevé elle-même. Alors c'est ce que fait Svetlana Alexievitch, effectivement, c'est que à partir de faits divers ou de rencontres parfois fortuites dans le train, elle écoute les gens et je pense qu'elle a une capacité incroyable probablement. Alors elle enregistre tout, je pense, mais elle va chez les gens, elle va dans les cuisines, elle demande aux gens, elle donne leur nom la plupart du temps ou des fois juste le prénom et elle les écoute et ça fait plus d'une dizaine de pages, peut-être une vingtaine de pages parfois, des témoignages très détaillés de gens qui ont des vies absolument incroyables. Et c'est du parler écrit. Oui, ouais. Mais c'est des histoires incroyables. Moi, la lecture de ce livre, je l'ai lu cet été, après être allée à Minsk pour la dernière fois, je me suis dit, oui, je comprends finalement un petit peu les craintes qu'ils peuvent avoir, et comment la société est construite aujourd'hui, particulièrement en Biélorussie d'ailleurs, puisqu'il y a encore un système encore presque communiste, on va dire, avec ces structures d'État. Et l'idée de liberté que nous, on a, est différente pour eux d'une certaine manière. Pour nous, la liberté, c'est quelque chose d'acquis, d'essentiel. Et pour eux, c'est un concept... Vous vous sentez libre, vous. Plutôt, bravo, oui. Bravo, complètement. J'essaye. Par rapport à eux, en tout cas. C'est-à-dire par rapport, oui. Ah bah oui, par rapport à eux, parce que je peux exercer mon métier librement. Les journalistes que j'ai rencontrés en Biélorussie ne peuvent pas vraiment. Et voilà, donc peut-être que je relativise ma liberté par rapport à bien pire. Mais voilà, et c'est une belle réflexion sur l'humanité, sur comment on peut aussi être embrigadé. En lisant ce livre, j'avais l'impression que le communisme, c'était vraiment une secte. Moi, je suis trop jeune pour l'avoir connu, mais c'est ça, c'était vraiment une secte. Et les gens étaient prêts à avaler n'importe quoi. Au nom de la patrie, au nom du communisme, au nom, voilà, de leur grande Russie. L'artiste-performeur Mikhail Goulin ne croit pas au changement. À Minsk, pas besoin d'être un activiste pour avoir des problèmes. Il suffit de faire de l'art dans l'espace public. Le problème pour mon travail, c'est que tout ce qui se passe dans l'espace public est considéré comme politique. Peu importe que ce soit une expression artistique ou un acte vraiment politique, tout est considéré comme politique. Il ne se pose pas de questions. En 2012, Goulin a été arrêté. Il s'était contenté de poser des cubes colorés à travers la ville pour observer les réactions des passants. Ils nous ont amenés au poste le plus proche, et là, les problèmes ont commencé. Dans chaque commissariat, il y a un bourreau, comme nous disons. Un sadique local qui traite violemment les gens qu'on arrête pour leur enlever toute volonté de résister. La ligne rouge à ne pas franchir bouge sans cesse. Les artistes de Minsk doivent toujours conquérir un nouvel espace de liberté. C'est l'une des principales difficultés. Ici, il y a très peu d'espaces d'exposition. Et pour l'art contemporain, qui est celui que je pratique, il n'y en a quasiment aucun. C'est catastrophique pour les artistes. Cela n'a pas empêché le développement d'une scène créative engagée à Minsk. Les gens se rencontrent à la Galerie Y. Les galeristes réunis autour d'Anna Christo-Serdova organisent un festival pour l'anniversaire de la Révolution russe. L'art rejoint la politique et l'histoire. Je ne crois pas en un art explicitement politique. Cela ne marche pas ici, en Biélorussie. Mais les jeunes artistes ont une forte influence sur la situation générale. Pas seulement en termes de politique, mais aussi en ce qui concerne les questions sociales, économiques ou les problèmes écologiques. Un de ces jeunes artistes est le photographe Maxime Sarikhao, qui a 30 ans. Des tas de gens sont de plus en plus mécontents. C'est principalement dû à la situation économique. Salaire bas, trop peu d'emplois, mais aussi au système politique. Et ce mécontentement grandit. Le gouvernement essaie de le contrôler en utilisant parfois la carotte, parfois le bâton. Il y arrive assez bien en général. Le gouvernement a longtemps été soutenu par la Russie, qui fournissait du pétrole et du gaz à bas prix, ce qui garantissait une certaine stabilité. Mais depuis la crise de Crimée, la Russie a d'autres problèmes et a réduit son aide. Les relations avec le grand voisin sont ambivalentes. Le passé commun soviétique est rarement évoqué. Maxime Sarikhao nous emmène en banlieue voir la tombe collective de Kourapaty. À partir de 1937, sous Staline, l'intelligentsia de Biélorussie a été massacrée. Le pouvoir voulait anéantir l'identité du pays. Les tombes sont entretenues par les particuliers. Le gouvernement les laisse faire. Pour l'État, l'histoire de la Biélorussie commence avec la Seconde Guerre mondiale. C'est une attitude très commode parce que beaucoup de choses déplaisantes qui sont arrivées avant sont simplement négligées. Ce qui est arrivé ici est très difficile à imaginer tant c'est violent. Mais cela fait partie de l'histoire. Le passé soviétique est profondément gravé dans l'âme de la Biélorussie. Il a formé son identité. Dans le musée consacré au plus célèbre sculpteur de la ville, Zahir Asgour, qui est mort en 1995, on trouve aussi bien Lénine et Staline que des héros nationaux de Biélorussie, comme le poète Yakub Kolas. Nous avons un gros problème d'identité. Les racines biélorusses ont été occultées au cours de l'histoire. Ceux qui sont venus ici au cours de la période soviétique et même avant, la Russie impériale et les Polonais se sont partagés la Biélorussie. Nous avons toujours été entre deux pays. Rien d'étonnant à ce que nous nous demandions qui nous sommes réellement. Volia Apeyeva est consciente de ses racines. Elle n'écrit qu'en biélorusse. Elle donne des conférences au musée Asgour, au milieu des statues des héros soviétiques, accompagnées de musique électronique. Tout cela appartient à son identité. Justine Salvestroni, vous le disiez, très jeune, vous l'êtes, et vous regardez un sujet qui appartient, d'une certaine manière, à de l'histoire ancienne. Et pourtant, cet ouvrage, dont vous allez nous rappeler et le titre et l'auteur, vous parle en profondeur. C'est pas seulement un objet de curiosité extérieure, ça vous parle personnellement. Vous arrivez à comprendre la zone de jonction entre vous et cet objet-là. Le titre, c'est « La fin de l'homme rouge » de Svetlana Alexievitch. Et non, je n'ai jamais su pourquoi j'étais passionnée par l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, donc particulièrement la Pologne et la Biélorussie. C'est juste probablement d'avoir rencontré des gens, ça doit aider aussi à... Voilà, quand on écoute des histoires, même en étant journaliste, on pourrait croire qu'on est peut-être blasé ou qu'on a de la distance. Je pense qu'on peut garder de la distance en ayant beaucoup de compassion pour les gens à qui on parle et qu'on s'intéresse aussi aux histoires qu'on voit. Et est-ce qu'il y a là aussi la dimension du continent ? C'est-à-dire c'est un monde, certes, derrière, mais c'est un monde encore à creuser dans lequel il faut faire une spéléo phénoménale. Peut-être. C'est peut-être aussi une des raisons, j'ai un sentiment, alors moins pour la Pologne que pour la Biélorussie, mais que personne ne s'y intéresse vraiment, et particulièrement depuis la France. C'est vrai que les gens vont souvent demander pourquoi j'étais partie en Pologne, et mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Bon, j'étais partie avant les élections, qui ont un petit peu tout changé, donc ça explique aussi peut-être. Mais il y a énormément de préjugés, de stéréotypes qui me fâchent un peu. Ah bah ouvrons donc le chapitre des stéréotypes. Puisque moi, je fais certainement partie des gens qui ont aussi des yeux carte postale et qui suis un peu en retard sur ce qu'il faudrait saisir, comprendre. Dites-nous un ou deux de ces stéréotypes que l'on peut avoir encore en tête quand on regarde là-bas, ou quand on fait semblant de regarder, ou quand on regarde mal. Ah ben, le mot qui me vient à l'esprit, c'est gris. Voilà, on imagine que là-bas, tout est gris. Il n'y a probablement pas de parc à Varsovie, il n'y a probablement pas de forêt, je ne sais pas. C'est ce qui me vient, voilà, on se dit c'est gris, et c'est des gens qui sont fermés, et qui ne sont pas sympas, et qui n'aiment pas trop la démocratie, voilà. Et on oublie complètement la culture. Enfin, je pense qu'on oublie l'humain en fait, je m'emballe peut-être en disant ça, mais j'ai l'impression que d'Europe de l'Ouest, quand on regarde l'Europe de l'Est, particulièrement en ce moment, on se dit que juste... Ils sont un petit peu en train d'énerver tout le monde avec leurs idées anti-européennes, par exemple. Je peux comprendre que ça inquiète. Ça gratte. Un petit peu, ouais. Ouais, je pense qu'il y a... les gens n'y vont pas parce que ça fait pas rêver. Alors que c'est joli aussi. Et puis, il n'y a pas que la plage et le soleil qui comptent. Il y a aussi les forêts et les montagnes. Autrefois, à la radio, on disait qu'après la guerre, on serait tous heureux. Je me souviens que Khrushchev aussi, il l'avait promis. Il disait que ce serait bientôt le communisme. Et Gorbatchev nous l'avait juré. C'était bien ce qu'il disait. Ça sonnait bien. Toute ma vie, j'ai attendu une vie meilleure. Quand j'étais petite, quand j'étais jeune. Et maintenant, je suis vieille. Bref, ils ont tous menti. La vie est devenue encore pire. Attends, sois patiente. Attends, supporte. Tout ce qu'on a traversé, ça peut pas se mesurer avec un mètre, ni se peser sur une balance. Mais je suis encore là. Je suis vivante. Je vis. J'ai accroché une icône dans un coin. et j'ai pris un petit chien pour avoir quelqu'un à qui parler. Un tison tout seul, ça s'éteint. Mais moi, je tiens le coup. Eh oui. C'est une bonne chose que Dieu ait donné à l'homme les chiens et les chats, et les arbres, et les oiseaux. Il lui a donné tout ça pour qu'il se réjouisse et que la vie lui paraisse pas trop longue, pour qu'il en ait pas marre. Moi, la seule chose dont je me lasse pas, c'est de regarder le blé jaunir. J'ai eu tellement faim dans ma vie que ce que j'aime le plus, c'est voir le blé mûrir, les épis qui se balancent. Ça me fait le même effet qu'à vous de regarder un tableau dans un musée. Même maintenant, je raffole pas du pain blanc. Ce qu'il y a de meilleur, c'est du pain noir avec du sel et du thé bien sucré. Attends. Sois patiente. Attends. Supporte. Chez nous, toutes les souffrances, on les soigne avec un seul remède, la patience. On a passé toute notre vie comme ça. Je regarde la télé, je rate jamais les nouvelles. Maintenant, on est devenu un électorat. Notre affaire, c'est de voter comme il faut et basta. Une fois, j'étais malade. Je suis pas allé au bureau de vote. Eh bien, ils sont venus chez moi en voiture, avec une boîte rouge. À ce jour-là, on pense à nous, ça oui. Extrait de « La fin de l'homme rouge » de Svetlana Alexievitch. Lecture, Annie Mercier. Il y a quand même un paradoxe, c'est que cet auteur a reçu un prix extrêmement important. Ce qui fait que c'est pas non plus quelque chose qui est complètement oublié, qui est méprisé ou ignoré. Au contraire, les projecteurs se sont tournés vers cet ouvrage dont vous nous parliez. Oui, sur toute sa carrière, parce qu'elle a... Alors, parlez-nous d'elle un peu. Elle est journaliste, elle est engagée pour son époque. Elle-même, finalement, c'était une femme rouge, elle a été élevée comme ça, et elle a cette capacité, comme je disais, à écouter les gens et à donner vie à l'histoire. Et un autre livre d'elle qui est absolument incroyable, c'est sur la guerre, ça s'appelle « La guerre n'a pas un visage de femme ». Elle a interviewé énormément de femmes pour sortir du schéma, voilà, la guerre, c'est des batailles, c'est des soldats, c'est aussi des femmes qui l'ont vécu différemment, avec leurs sentiments, avec leurs visions. Et c'est pareil, ça prend l'estomac tellement c'est fort ce qu'elle raconte. Et elle a, voilà, elle veut être le témoin de son époque. Et elle est pas forcément appréciée en Russie, par exemple, parce qu'elle est considérée comme trop critique. Elle a eu quelques ennuis cet été. Voilà, parce qu'elle s'est engagée. Elle sculpte trop. Elle sculpte et elle raconte d'ailleurs dans La guerre n'a pas un visage de femme sa méthodologie. Et elle dit que comme le livre est sorti à la fin des années 80, je crois, ça a dû être censuré. Et elle explique ce qui était un petit peu censuré et ce qui n'était pas. Et c'est intéressant aussi de... Enfin, elle donne vraiment toutes les clés pour comprendre la société jusqu'à comment elle écrit le livre, comment il est censuré et pourquoi. Et je pense qu'elle est engagée de cette manière, du côté des gens plus que du côté politique. C'est-à-dire qu'elle fait vivre l'histoire juste par la parole et pas par les grands faits historiques. Et je trouve que c'est beaucoup plus puissant. Une Biélorusse devenue mondialement célèbre cette semaine, Svetlana Alexievitch, nouveau prix Nobel de littérature. Elle a tenu ce matin une conférence de presse à Berlin, Isabelle Gonnet. Tous les 4 ans, de nouveaux responsables européens viennent au pouvoir et pensent pouvoir régler le problème Loukachenko. Sans savoir qu'il est un homme indigne de confiance. Il est un homme soviétique, il ne changera jamais. Svetlana Alexievitch n'a jamais mâché ses mots. Ce matin, elle a mis en garde contre un rapprochement avec le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, alors que l'Europe s'apprête à lever les sanctions à son égard. Elle a appelé à ne pas faire de concessions devant un pouvoir totalitaire. Née en Russie en 1948, Svetlana Alexievitch a été nourrie au sein de la dissidence et de l'humanisme. Indignée, c'est aux victimes qu'elle donne la parole, victimes de l'armée rouge, du communisme, de Tchernobyl. Si elle a été saluée en 2013 pour la fin de l'homme rouge ou le temps du désenchantement, c'est toute son œuvre dite polyphonique qui lui vaut aujourd'hui d'être prix Nobel de littérature. Justine Salvestroni, vous nous disiez hier que vous étiez arrivée dans le métier de journaliste un peu comme ça, en occupant dans un premier temps un poste à l'intérieur d'un journal pour corriger les épreuves de vos collègues, de vos futurs collègues, ceux qui envoyaient les articles, et que du coup vous étiez passée de l'autre côté de la caméra, si j'ose dire, plus exactement du stylo. Cette fois vous preniez le vôtre, avec ce type de personnage comme cette journaliste biélorusse qui a écrit ce pavé. Est-ce que vous sentez une orientation? S'il y avait un témoin, est-ce que vous le choperiez assez rapidement? Apparemment, d'évidence, elle vous inspire. Oui, on n'est pas loin de penser que d'évidence, vous auriez un peu envie de faire pareil. Oui, j'aimerais beaucoup écrire aussi sur la Biélorussie et parler aux gens essentiellement. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Après, je ne pense pas que je serais capable de reprendre la suite de Svetlana Alexievitch, qui a passé des décennies à ausculter son pays et la Russie et à vraiment la sillonner inlassablement. Mais oui, c'est quelque chose qui sera à faire, je pense, en ce moment, parce qu'on est probablement une période charnière pour la Biélorussie. On est dans cet entre-deux qui ne pourra pas durer éternellement, même s'il va peut-être durer encore longtemps. Et je pense que les changements de société sont intéressants. Qui avez-vous envie de faire parler ? En Biélorussie, j'aimerais faire parler, je pense, les employés modèles de l'usine de tracteurs Belarus, par exemple, parce que c'est une usine que j'ai visitée comme touriste, qui est incroyable, qui est gigantesque, on dirait un palais. Et il y a une station de métro à Minsk, on sort, et là, un palais blanc qui est là, comme ça, juste à la sortie. Et donc, on peut les acheter en France, hein, ces tracteurs, ou partout en Europe. Et voilà, il y a plus de 10 000 personnes qui y travaillent. Et c'est une vraie ville, extrêmement propre. Et quand on rentre, il y a de grands panneaux avec des photos des employés modèles de cette ville. Et donc, ils sont nommés pour une année, et ils ont une prime. Et on a vraiment l'impression d'être dans une autre époque. Enfin, j'ai pas envie de dire que c'est un retour en arrière, mais ça en donne quand même l'impression. Voilà, j'aimerais parler à ces gens-là, je pense, savoir comment ils sont devenus employés modèles, qu'est-ce que ça fait par rapport aux autres, parce que j'imagine que quand on est employé modèle dans une usine en Biélorussie, c'est qu'on doit être quand même dans le rang, d'une certaine manière. Il y a des chances. J'aimerais aussi parler... Bon, c'est peut-être pas intéressant, on verra, hein, il faut aller les voir, mais récemment, Loukachenko, elle est dans une petite ferme dans un village biélorusse et il a offert une vache à une famille. Et en voyant la photo de cette famille, c'est-à-dire vraiment très modeste, qui posait avec leur vache, avec tous leurs enfants, je me suis dit j'aimerais bien aller passer quelques jours avec eux et voir à quoi ressemble la vie de ces gens aujourd'hui. Mais dans ce pays où le pouvoir paraît si fort, il y a peut-être que la vache qui aurait le courage de témoigner, vous ne pensez pas ? Pourquoi pas, anonymement parfois, l'anonymat, c'est ça aussi. Et la confiance du lecteur doit être dans le journaliste qui raconte la vérité, mais qui est obligé, finalement, de protéger un peu... ses sources. Parce que sinon, on ne saura jamais ce qui se passe vraiment. Et il y a plein de gens comme ça en Biélorussie à qui j'aimerais parler, ceux qui font la cueillette des fruits. Il y a aussi toute une partie très active de l'économie biélorusse, c'est les nouvelles technologies. Et j'aimerais parler aussi à ces gens-là. C'est assez étonnant d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on a 70% de l'économie qui est détenue par l'État. Et honnêtement, ce sont des usines qui ne sont pas très efficaces. Les tracteurs, ils en produisent de moins en moins qu'ils en ont fabriqué par le passé. Et il y a tout un secteur, donc tout ce qui est autour de, voilà, des nouvelles technologies. Il y a une application qui est assez connue qui s'appelle Maps.me, je crois. Et ça, c'est biélorusse. Et donc, il y a plein de start-up comme ça, parce que c'est un espace finalement de liberté pas encore trusté, ou qu'il ne sera peut-être jamais par l'État. Et ces gens-là ont plus de pouvoir, avec, même dans les syndicats, etc. Eux, finalement, ils font partie de l'économie de marché, et parce qu'ils ne produisent pas de tracteurs ou pas de biens, je pense qu'ils sont peut-être plus libres de développer ce secteur-là de l'économie. Donc ils sont assez en pointe. On parle souvent du Bélarus comme d'un reliquat de l'ère soviétique. Et pourtant, un secteur a échappé à la férule du président Loukachenko, le numérique. D'où peut-être sa réussite. Ainsi, World of Tanks, l'un des 5 jeux vidéo les plus populaires en Europe et aux États-Unis, a été conçu ici, à Minsk. Dès la phase de test, l'afflux de joueurs a été massif. Donc on savait que notre projet allait être un succès. Mais on ne s'attendait pas à un tel succès, confie un des programmeurs. En dépit dépit du succès international, Wargaming, propriétaire chypriote de ce jeu vidéo, a maintenu nombre de ses opérations au parc high-tech de Minsk. Les sociétés étrangères du secteur y recrutent une main-d'œuvre bélarusse hautement qualifiée et bon marché. Le parc doit son existence à l'ancien ambassadeur du Bélarus aux États-Unis, Valery Tsepkalo. La République du Bélarus n'a pas de ressources naturelles. Nous n'avons ni pétrole, ni gaz, ni fer, ni métaux non ferreux. Il est évident que la seule chose sur laquelle nous pouvons compter, ce sont nos cerveaux, la formation et les compétences, celles des jeunes en premier lieu, explique-t-il. Le parc high-tech de Minsk bénéficie d'avantages fiscaux mais fonctionne sur des fonds privés. Il emploie 24 000 personnes pour une activité en croissance de 20% l'an dernier. Un exploit dans une économie en pleine récession. Mais c'est quasiment deux faces presque opposées de la même société. Hein. Monde du travail, mais un travail d'hier et le travail d'aujourd'hui et de demain. Oui, mais il y a une certaine logique à ça. C'est-à-dire que c'est un secteur nouveau qui était peut-être moins contrôlé. Alors, je n'ai pas les chiffres et je ne suis pas certaine de ce que j'avance, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue. C'est que ça a pu fleurir justement parce que c'était moins contrôlé et ils se sont engouffrés dedans. Et sans progression linéaire, c'est presque brutal comme transition. On passe peut-être, peut-être que c'est probablement toute la difficulté de la Biélorussie d'aujourd'hui, entre les villes et les campagnes, entre ceux qui ont pu partir et qui reviennent et qui sont plus éduqués, qui parlent plusieurs langues, et ceux qui n'ont pas forcément accès à l'anglais, qui vivent à la campagne et qui sont dans un système qui est un petit peu archaïque quand même. Et je pense que pour l'instant, peut-être qu'on ne voit pas encore ces divisions de la société. Elles ne sont pas très visibles pour l'instant parce que c'est trop... Il y a une chape de plomb un peu sur eux, mais peut-être qu'elles vont apparaître, oui, au bout d'un moment, très certainement. Et je pense que les Biélorusses les ressentent déjà. Vous êtes baladé en dehors de la ville, vous avez fait un peu le pays. Avez-vous fréquenté les zones que l'on dit abondantes dans le domaine des forêts, et notamment d'une certaine forêt primitive? Alors, je suis allée à Brest, qui est une ville frontière entre la Pologne et la Biélorussie, qui historiquement est un peu connue. Voilà, et qui est extrêmement intéressante aussi. Je ne suis pas encore allée dans la campagne. Et quant à la forêt primitive de Białowieża, je suis allée du côté polonais, parce qu'ils sont en train de couper les arbres. Et c'est un gros conflit entre l'Union européenne et le gouvernement polonais. Donc oui, j'y suis allée, mais pas du côté biélorusse. En Pologne, une cinquantaine d'activistes de Greenpeace ont bloqué jeudi des camions transportant du bois dans la forêt de Białowieża, à l'extrême est du pays. Les manifestants dénoncent l'abattage illégal des arbres dans cette forêt primaire à la frontière avec la Biélorussie. Les activistes ont été neutralisés par des gardes forestiers en attendant l'arrivée de la police. Fin juillet, une décision de la Cour de justice de l'Union européenne a ordonné la suspension des abattages, mais ces derniers n'ont manifestement pas cessé. Le ministère de l'Environnement polonais a autorisé en mai 2016 d'importantes coupes de bois dans la région pour lutter contre une invasion d'insectes touchant l'épicéa. Mais pour les écologistes, il s'agit au contraire d'une opération purement commerciale du lobby forestier. Bon, la question des forêts et de la nature en Biélorussie est aussi compliquée parce que ils ont de gros problèmes de pollution nucléaire au sud du pays parce qu'ils ont toute une zone protégée où il n'y a plus accès à cause de Tchernobyl, parce que Tchernobyl, en fait, c'est extrêmement proche de la Biélorussie. C'est là que ça s'est passé. Vous y retournez bientôt ? Bientôt, j'espère. Alors, évitez les radiations. Et puis, on attend votre retour avec impatience. D'accord. Demain, vendredi, Histoire vivante est à lire dans La Liberté. Il y a 50 ans, dans la nuit du 28 juin 1969, à New York, une série d'émeutes a marqué le début de la lutte pour la reconnaissance du mouvement LGBT aux États-Unis comme ailleurs dans le monde. Tout a débuté dans un bar, à Greenwich Village, Stonewall, la révolte arc-en-ciel, un dossier à découvrir ce vendredi dans La Liberté.